Chapitre 23e. Jour de bataille. Louis retrouva le lendemain une autre femme, bien différente de celle qu'il essayait vainement de consoler la veille au soir. Il l'avait vue tour à tour consternée, effrayante d'exaltation douloureuse, puis longtemps pensive, obsédée et tristement apaisée par le travail d'une idée qu'elle ne communiquait pas. Quand ses yeux battus de larmes se rouvrirent au jour, une lumière de froide résolution les ranimait. Ceux qui croyaient le mieux connaître Madame Fianona allaient éprouver durant ce jour de vives surprises. Une heure tragique avait réveillé l'héroïne endormie dans le sang maternel de l'amoureuse vénitienne. Cette heure la ramenait de 3 siècles en arrière, la refaisait sœur de ces Italiennes qui eurent toutes les audaces dans les grandes crises de la passion. L'éruption chez Millicent, d'une force qui s'ignorait, fut manifeste dès le matin. Debout près de Tournoël, les mains sur les épaules du jeune homme, elle l'enveloppait d'un regard impérieux et tendre, le pressait de paroles volontaires. Un magnétisme de commandement souverain émanait de toute sa personne, transfiguré par une inspiration du cœur. Cher bien-aimé, lui disait Louis, calmez-vous, je vous en conjure. L'état où je vous vois me fait peur, plus peut-être que votre abattement d'hier, plus que les angoisses qui vous agitaient si fort. Je ne sais quelle folie, belle comme vous sans doute, a surgi dans votre esprit. N'y pensez plus. Je vous le répète, tout ce qui vous trouble ne m'émeut guère. Vous craignez les jugements d'un monde avec lequel vous romprez en restant seul ici près de moi. Je m'en soucie peu. Dans quelques jours, je vous ramènerai en France. Bientôt après, j'aurai la joie et l'orgueil de vous nommer ma femme. Nous aviserons à vivre comme vivent les pauvres gens, heureux dans leur détresse matérielle, quand ils s'aiment. « Non, » répondait-elle avec une obstination qu'il sentait invincible. « Non, Louis, je suis à vous, sans réserve et pour toujours. Vous n'en pouvez douter. Je ne regrette pas l'acte qui m'a fait vôtre, presque à mon insu, dans une inspiration du désespoir, alors que je ne savais comment vous convaincre et vous retenir. Je ne crains rien pour moi. » Mais ma raison, abolie depuis quelques jours dans le rêve où vous me faisiez vivre, m'est revenue tout entière devant le danger qui vous menace. Quel danger? Le seul vraiment redoutable pour l'homme que vous êtes. Comment ne voyez-vous pas ce que je m'efforce de vous démontrer depuis 1 heure? Après le départ de ce navire et des gens qui l'emportent, après le départ des Lovrains, des amis qui me faisaient une condition encore acceptable, honorable aux yeux du monde, il ne restera dans vos bras, sur vos bras, diront ceux qui me respectaient hier, qu'une maîtresse humiliée, misérable, si misérable qu'elle ne pourra même pas quitter ce pays, qu'elle y mourrait de faim dans la rue, si vous l'abandonniez à son triste sort. Ici d'abord, en France bientôt, tous vos envieux, tous vos ennemis auront à la bouche les mots que vous devinez. Le capitaine de Tournoël, un homme fini. Il est tombé dans les filets d'une aventurière qui lui mange l'argent qu'il n'a pas. On me traînera dans la boue. Ah, que m'importe à moi, assez heureuse si je garde le seul bien que je souhaite, votre amour. Mais cette boue rejaillira sur vous. La créature qu'on aura ainsi avilie ne pourra plus être, ne sera jamais, entendez-vous, la femme du glorieux officier que vous devez rester. Comme à José, je connais le devoir de mon amour. Vous sacrifiez ma vie, ne jamais sacrifier la vôtre. En vous écoutant à José, je ne l'aurais rendu que très difficile. Maintenant, après l'éclat public qui ferait de moi une gêne perpétuelle pour votre dignité, pour votre liberté, je la briserai irrémédiablement. Tais-toi, chérie, ce n'est pas vrai, je ne veux pas entendre ces paroles. Il essaya de les arrêter sur les cruelles lèvres avec des baisers. Elle se dégagea. Vous ne les entendrez que trop, quand tous le diront. Tu es au-dessus des jugements du monde. La pire honte pour moi, ce serait d'accepter ton admirable sacrifice. Laisse-moi la douceur de te faire le mien, si vraiment c'en est un. Vous le feriez de grand cœur aujourd'hui, mon aimé, je n'en doute pas. Mais un temps viendrait fatalement où vous le regretteriez. Le jour où je verrai poindre ce regret, j'en mourrai de chagrin. Et votre vocation, l'avez-vous oubliée? Les idées qui étaient toute votre vie, ces idées dont j'aimais en vous la force et la grandeur, mes baisers les ont-ils tuées? Non, endormies et bercées seulement, elles se réveilleront contre moi si je les desserre. Tout à l'heure encore, lorsque vous me pressiez de rester ici près de vous, ne disiez-vous pas qu'il vous en coûterait de quitter l'Égypte avant d'être fixé sur les menées de votre adversaire, sur le véritable but de cette expédition qui vous donne tant de soucis? Jusque dans l'enchantement de nos premières ivresses, j'ai vu passer l'ombre de votre préoccupation. Que sera-ce plus tard? Oh, je n'en suis pas jalouse. Je ne veux pas tuer vos idées, je veux les servir. Et pour cela, pour sauvegarder votre avenir, il faut que je reparte, sur ce bateau, avec ceux qui me protègent. Vous viendrez vite me rechercher. Toujours, partout, vous me retrouverez ce que je fus ici, votre esclave, votre chose. Mais il faut que je reparte ce soir, le cœur déchiré, pour ton bien, cher, plus cher que moi-même. Sur ce bateau, chez cet homme, avec cet homme, vous ne ferez pas cela, tout ce que vous voudrez, mais pas cela. Louis, dit-elle gravement, les enfantillages ne sont plus de saison. Je vous ai pardonné vos injustes soupçons, alors qu'ils étaient déjà sans excuse. Ils m'avaient fait beaucoup de mal, vous savez comment je l'ai payé. Aujourd'hui, après ce qui a été, ce qui est, je ne puis voir dans vos inquiétudes qu'une plaisanterie. Et l'heure n'est pas aux plaisanteries. Parlons sérieusement. À mon tour, j'ai peut-être le droit d'être exigeante, le droit de vous demander une confiance aveugle, et même votre obéissance pour un jour, moi, qui vous obéirai pendant toute la durée de mes jours. Il faut que je parte, vous dis-je. J'ai mon idée, moi aussi. Mais donnez-moi connaissance, que je sache au moins. Non, vous y feriez cent objections, raisonnables en apparence, et je ne saurais quoi répondre, et vous ébranleriez peut-être la foi que j'ai puisée dans une inspiration de mon amour. Ayez foi en moi, vous aussi, je vous en supplie, mon bien-aimé, et faites ce que je vous demande. Accompagnez-nous tout à l'heure à Alexandrie. Il est convenable, il est naturel que vous y veniez prendre congé de nos amis, de moi, au moment où nous nous séparons. Oh, ce mot! Et d'une voix qui faiblissait avec son courage, elle ajouta « Écoute, à la dernière minute, si cette affreuse séparation te paraît être au-dessus de nos forces, si le cœur nous manque à tous deux, tu commanderas. J'obéirai, je te le jure. Nous serons lâches ensemble, mais essayons au moins. Je veux essayer mon idée. » Il résistait, torturé par la pensée qu'elle allait disparaître, la douce joie vivante qui était devenue pour lui une nécessité de chaque instant, inquiet en outre de ce dessein qu'elle méditait et lui cachait obstinément. Elle continua de l'attaquer, toujours plus pressante. Il se rendit, vaincu par l'énergie dominatrice qu'elle lui révélait. Il promit de la suivre, avec l'arrière-espoir qu'au dernier moment, il la dissuaderait, la garderait défaillante de chagrin. À tout hasard, il prit ses cantines, bien résolu à s'embarquer lui-même sur le plus prochain courrier s'il ne réussissait pas à la retenir. Le train d'Alexandrie les emporta tous deux dans la bande joyeuse des partants, des Américaines qui reconduisaient les Lovrins et voulaient profiter de l'occasion pour visiter le Neptune. Le couple navré s'efforçait de faire bonne contenance sous la surveillance maligne dont il était l'objet. À l'arrivée, comme on avait quelques heures à perdre avant de rallier le bord, la duchesse et ses amis acceptèrent l'invitation d'un riche Levantin qui leur offrait un goûter au jardin Antionadis. Madame Fianona s'excusa. On s'y attendait. Nul ne fut surpris de la voir s'éloigner avec le capitaine. Leur drame intime était soupçonné par toutes les femmes. Elles plaignirent des souffrances qu'elles devinaient. Millicent et Louis s'allaient réfugier dans un hôtel de la place des Consuls. Là se renouvelèrent les scènes douloureuses du matin. Supplication désolée de l'amant, alternative de faiblesse et de vaillance chez celle qu'il ne voulait pas laisser partir. Amolie par les caresses, ébranlée par des instances qui ne trouvaient que trop d'écho dans son propre cœur, elle ramassa tout son courage dans cette prière qu'elle lui fit à genoux. « Votre volonté sera faite si vous persistez, je l'ai promis, mais laissez-moi d'abord essayer la mienne. Louis, ne m'interrogez pas, ne me suivez pas, attendez-moi ici. Je jure d'y revenir dans une heure. » « Dis au moins où tu vas. » « Non, inutile, je le devine. » Pourquoi, pourquoi? Je te suis. Non? Seul, je veux de toi cette preuve de confiance et d'amour. J'ai droit, tu m'entends? Millicent, je ne te reverrai plus. Si, Crois en moi, aime-moi bien, mon Louis, tu verras que je le mérite. » Et toute frémissante, elle s'arracha du long baiser où passait toute son âme, sortit, et là une voiture se fit conduire au port. Ses yeux tombèrent machinalement sur le nom, écrit en grosses lettres bleues, d'une des barques d'où les bateliers grecs l'appelaient « Santa Maria della Salute ». Un vieil homme, différent de ses grecs par le type du visage et la forme du bonnet, offrit en italien ses services à la signora. Millicent lui répondit dans le dialecte vénitien. Un sourire d'aise illumina la figure parcheminée du marin. Il se précipita pour aider la belle dame à descendre. Avec les précautions d'un artiste qui manie une jolie statuette fragile. Heureux d'entendre et de pouvoir parler son patois natal, il commença, tout en faisant démarrer sa barque, à raconter son histoire. Il avait navigué longtemps, disait-il, sur les bateaux d'une petite société de l'Adriatique. Mais la vie était devenue difficile à la mer. L'Américain, celui dont le yacht se balançait là-bas dans le grand bassin, ruinait les petites compagnies par la concurrence. Elle devait faire des économies sur le personnel. On l'avait remercié, vu son âge. Il était venu s'échouer dans le port d'Alexandrie. « Bricone !» fit-il en tendant le poing vers le yacht. « Il mange le pain des pauvres gens. »« Conduis-moi chez lui, » dit Millicent, « et demandons assistance à la Madone. » Elle venait d'apercevoir, grossièrement sculptée à l'avant de la barque, une figurine de la protectrice de Venise. Du fond de l'âme enfantine et traditionnelle, une ardente prière, imploration de secours pour son amour malheureux, monta aux lèvres de l'Italienne. À bord du Neptune, tous étaient en mouvement pour les préparatifs d'appareillage. Dupont qui l'arpentait à grands pas, M. Robinson braquait à fréquentes reprises sa jumelle sur le port. Elle lui fit voir enfin ce qu'il cherchait, un canot du yacht qui ramenait Joey, flanqué de moucherons. Archibald vint les attendre à l'échelle. Dès que la voix put porter, il cria « Nos invités viennent-ils, Joey? Où sont-ils ?»« J'arrive du Caire avec eux, monsieur. Ils seront ici tout à l'heure. »« Tous et toutes ?»« Je le crois, monsieur. » Les deux hommes embarquèrent. Tandis que Moucheron s'isolait, pour satisfaire son vice professionnel en lisant les journaux de France arrivés le matin, le secrétaire énumérait les noms des personnes qui allaient venir à bord, y compris celui de Madame Fianona. Visiblement soulagé, M. Robinson frotta l'une contre l'autre ses mains musculeuses, mais bientôt le pli d'une préoccupation reparut sur son front. Après un silence, il dit « Tous les hommes s'en foutent, Joey. » Celui qu'il gratifiait de cette vérité fit un signe de tête approbatif, témoignage de son profond respect pour toutes les opinions de l'oracle, alors même qu'elles étaient obscures et inattendues. « J'ai trouvé dans le courrier de ce matin, » reprit Archibald, « une lettre de Hiram Jarvis dont je ne saurais dire combien elle me peine. Je n'aime pas à changer mon jugement sur les hommes. »« Je comprends, monsieur, » dit avec compassion le secrétaire. « J'ai parcouru le Times à l'hôtel. Le journal faisait connaître et qualifiait sévèrement la conduite peu sérieuse de M. Hiram Jarvis. »« Il m'en écrit cependant très sérieusement. » Avec tant de conviction qu'on est tenté de se demander s'il n'y aurait pas deux espèces de raisons, celle des fous et celle des autres, qui prétendent ne pas l'être. Voyez, lisez. » Il tira la lettre de sa poche, la tendit à Joey. L'étrange personnage y annonçait la détermination qui étonnait à ce moment tous les clubs, tous les salons de Londres, autant que des Anglais peuvent s'étonner d'une excentricité. L'apôtre de la paix impériale, l'écrivain si habile à justifier les guerres qui acheminaient le monde vers ce grand bienfait, le conseiller écouté des politiques anglais, l'homme dont les suggestions éloquentes avaient souvent influencé les princes et les cabinets du nord de l'Europe, le prophète, comme l'appelaient ironiquement ceux qui souriaient de ses idées et obéissaient ensuite au courant d'opinion qu'ils avaient créé, le célèbre Hiram Jarvis quittait l'Angleterre et allait s'établir sur l'ancien territoire des Mormons au bord du Grand Lac Salé. Il avait découvert parmi les brocheuses de son magazine une jeune fille d'un génie singulier et d'une beauté non moins singulière, écrivait-il à son ami. Initié par elle à la véritable doctrine du progrès social, il y avait d'abord converti Madame Jarvis l'ancienne. La respectable épouse de l'apôtre n'était pas moins enthousiaste que son mari de la grande révolution morale qu'ils allaient prêcher d'exemple au Nouveau Monde. Le trio partait pour l'Utah afin d'y rénover la secte et la république modèle des saints du dernier jour. Jarvis exposait le plan de la campagne d'agitation qu'il voulait entreprendre en Amérique pour faire revenir le Congrès de Washington sur les aveugles prohibitions qui avaient étouffé le mormonisme. Il ne doutait pas que l'opinion américaine ne se rendît vite à la force de ses arguments. Les esprits les plus prévenus se laisseraient convaincre, et aussi par le spectacle de la touchante union qui régnerait entre ces deux épouses, la nouvelle et l'ancienne. La lettre s'achevait sur un pressant appel au concours d'Archibald Robinson. « Ne m'objectez pas, mon ami, les directions antérieures que j'avais proposées à votre activité. » Elle s'est employée jusqu'à ce jour à des fins utiles, sans doute, mais secondaires. Éclairée aujourd'hui sur le véritable idéal de la civilisation moderne, je vous supplie de m'aider à le réaliser. Les difficultés que je vais rencontrer ne pourront être vaincues qu'avec le secours de ces deux grands pouvoirs, la volonté, l'argent. Dès l'instant où la lumière m'est apparue, dans les yeux et sur les lèvres de l'inspiratrice de vérité, j'ai pensé à vous, Archibald. Comme au réparateur providentiel qui relèvera de ses ruines la cité fondée par le lion du Seigneur. Nous comptons sur vous, sur votre intelligente énergie, sur votre grande puissance financière. Croyez-moi, tout vous désigne pour reprendre l'œuvre interrompue du vénéré Brigham Young, pour reformer et faire accepter au peuple américain la république dont vous serez le chef, l'état type où pourront enfin se satisfaire toutes les aspirations de l'humanité. Je vous exposerai mes idées sur l'application méthodique des principes du trust à la nouvelle société mormone. J'attendrai impatiemment votre retour en Amérique avec la confiance que je vous persuaderai aujourd'hui comme naguère, mais avec bien plus de raison cette fois. Quand vous aurez vu l'inspiratrice de vérité, hâtez-vous, ne craignez pas d'abandonner nos anciennes entreprises, indignes de vous retenir, maintenant que votre mission prédestinée vous est enfin révélée par ma voix. » Le prophète continuait sur ce ton, avec le zèle communicatif, les adroites flatteries, l'éloquence autoritaire des lettres qui avaient jadis gagné Robinson à la cause de l'impérialisme anglo-saxon. « Joey, dit-il, ceci est très désagréable. Je m'étais habitué à faire grand cas des opinions de Hiram Jarvis. Je peux dire qu'elles m'ont engagé dans certaines tâches contre lesquelles j'avais personnellement de sérieuses objections. Ce qu'il y a de plus fâcheux dans la folie subite qui atteint un homme, c'est qu'elle nous fasse douter des enseignements que nous tenions de lui, des œuvres qu'il nous avait conseillées. » Joey crut devoir risquer un aphorisme philosophique. « Il est en effet très malheureux qu'une femme ait le pouvoir de pervertir un esprit supérieur, comme était celui de M. Hiram Jarvis. » « Joey, pensez-vous qu'il y a des esprits supérieurs au pouvoir de la femme ?» L'ampleur de cette question était faite pour déconcerter Joey Butler. Il écarquilla les yeux, sourit en montrant toutes ses dents. Il cherchait encore une réponse quand M. Robinson s'éloigna pour allumer son cigare à la mèche. Quelques bribes de leur conversation étaient venues aux oreilles de Moucheron qui rôdait non loin de là. Il s'approcha du secrétaire. « Dites donc, Joey, il n'est pas ordinaire, votre prophète. Il n'a qu'un œil et il lui faut deux femmes. »« C'est égal, je ne suis pas fâché de voir le patron dégrisé sur son égérie borgne. Un simple loufoque, n'est-ce pas ?» Archibald revenait vers eux quand un homme d'équipage l'appela. « C'est une dame, monsieur, qu'une barque vient d'amener à l'échelle de tribord et qui vous demande. » Le maître de yacht se dirigea vers la coupée. Une exclamation de joyeuse surprise lui échappa. Madame Fianona gravissait les derniers échelons. « Vous, cher ami, la première, c'est aimable d'avoir devancé les autres. Je suis touché. Laissez-moi croire que cette hâte est de bons présages. Faut-il me préparer à être très heureux ? Mais j'oublie qu'il faut d'abord vous conduire à votre cabine. Vous déciderez si une autre vous plaît mieux. Commandez, sur ce navire qui est vôtre, avec tous ceux qu'il porte. Où sont donc vos bagages ? James ? Dit-il à un serviteur qui s'empressait, « Allez payer ce batelier et qu'il débarrasse notre échelle. »« Non, » fit Millicent, « je le garde. »« Descendons au salon, si vous le voulez bien. Je désire causer un instant avec vous. » » un peu surpris par ces mots, et plus encore par l'accent, par l'air du visage, il déféra au désir de Madame Fianona, la suivit dans le petit salon de l'arrière. Elle s'assit, répondit brièvement aux questions de politesse sur leurs amis, sur elle-même, prit la parole d'une voix émue et pourtant assurée. Archibald. Jamais encore elle ne l'avait appelé de ce nom. Archibald, je viens vous faire une demande. C'est-à-dire me donner un ordre. Commença-t-il sur un ton de galanterie enjouée. Mais la réponse l'avertit aussitôt qu'il faisait fausse route. Je n'ai pas d'ordre à donner chez vous. Je viens vous demander une marque de votre affection, que je sais grande et sincère, comme celle que je vous ai vouée moi-même dans la vérité de mon cœur, cher ami. Remué par la nouveauté de ce langage, pénétré de gratitude, il lui prit la main. Elle le laissa faire, indifférente, et il eut la sensation singulière qu'en tenant cette main, il ne tenait rien de la personne qui venait de lui dire ces bonnes paroles. « Je vais droit au fait, » reprit-elle. « Ce sont les façons que vous aimez. Je connais imparfaitement le détail et les motifs de vos différends avec M. de Tournoel au sujet de ces contrées africaines qu'il a découvertes, qui lui appartiennent. Mais je sais que vous voudrez être juste avec lui, amical pour moi. Je vous demande ce qui m'importe à cette heure plus que tout au monde. Je vous supplie de respecter les droits du capitaine sur sa conquête, de renoncer à ces pays d'Afrique, de n'y rien entreprendre sans son aveu, de vous abstenir s'il le désire, de servir ses projets s'il y consent, mais de les servir alors de tout votre pouvoir en Afrique, à Paris, où votre influence est prépondérante sur ceux qui ont lié les mains à l'officier, peut-être pour vous complaire. Oh, ceci, qu'il ne s'en doute pas. Agissez à son insu, il ne me pardonnerait jamais s'il m'entendait. Bref, je vous demande de l'aider sans autre pensée que celle de lui être utile dans la mesure et avec les moyens qu'il jugera convenables. Voici en vérité le sujet d'entretien que j'attendais le moins, dit Robinson en retirant sa main. J'en espérais un autre. Et puis-je savoir d'où vous vient ce beau feu pour les ambitions de M. de Tournoel? Vous pouvez le deviner aisément. Désormais, son intérêt et le mien ne feront qu'un. Je m'en doutais. Il se leva, commença de marcher en cercle dans le salon, comme tourne dans une cage, en cherchant l'issue barrée, l'animal sauvage qu'on vient d'y enfermer. Ainsi, il suffit que ce monsieur veuille bien reparaître auprès de vous, et s'en est fait aussitôt du léger espoir que vous ne m'aviez pas défendu d'emporter. Je ne vous ai pas caché mes inclinations. Vous les encouragiez naguère, faut-il vous le rappeler une fois de plus? Mais qu'a-t-il donc fait pour vous ensorceler, ce petit, ce faible, ce pauvre, un garçon que j'avais trop favorablement jugé, qui ne sait pas vouloir, qui ne sait que se plaindre? Et je devrais tout lui céder, moi, qui me sens la force de maîtriser le globe, qui ai pris ce globe dans ses mains que voici et qui vous l'offre? Qui est donc cet homme, pour que je ne sois plus rien dès qu'il daigne se montrer? Vous aussi, vous m'adressez cette question. Il est lui. Ne me demandez pas d'expliquer ce qu'il y a pour moi dans ce simple mot. Je le vois assez. Mais vous n'attendez pas, chère madame, que je m'efface devant un rival sans lutter, sans me défendre, alors que j'ai toujours brisé sur ma route toutes les résistances. Vous ne lutterez pas contre moi, Archibald. Ce serait méchant et inutile. Mon cœur renferme à présent une puissance plus inflexible que la vôtre. Ne me défiez pas. Sa voix se faisait mordante. L'amertume du désir contrarié déchaînait toute la violence contenue à laquelle il commandait d'habitude, et se rapprochant, presque menaçant. Ah, l'on nous appelle chez vous des sauvages. Pirates, disiez-vous à notre première rencontre. Eh bien, soit, je ne suis qu'un pirate. Le maître de la mer, comme on me surnomme, maître sur elle, sur mon navire. Un coup de sifflet, ce navire gagne le large, il vous emporte, tout en mon pouvoir, je vous garde. Faites, dit-elle tranquillement, ce sera bien, j'aurai plus de temps pour vous convaincre. Momentanément désarmé par ce grand calme, il recula, se laissa tomber sur un siège, la regarda. Mais je ne vous reconnais plus, vous n'êtes plus la même, Que s'est-il donc passé? Je vous l'ai dit, j'aime. L'âme de celui que j'aime, une âme triste et forte, quoi que vous en pensiez, est descendue en moi. À son tour, elle se leva, vint lui prendre la main. « Pardon, Archibald. Je sais que je vous fais de la peine. C'était inévitable. Mais dites-vous aussi que ma démarche, mes paroles, attestent ma foi profonde en votre affection, en votre bonté. Cette bonté, je l'ai devinée il y a longtemps. Ce n'est pas ma faute si j'aime ailleurs. On n'est pas maîtresse. Croyez du moins qu'après lui, vous êtes le seul homme en qui j'ai une confiance sans borne, le seul à qui je veuille demander secours. Je le prouve en ce moment. Alors donnez-moi un peu de temps, une chance encore de vous fléchir. Laissez-moi espérer que peut-être, mieux instruite, avant de choisir, irrévocablement. Non, mon ami, il est trop tard. Pour nous épargner à tous, à vous d'abord, d'inutiles, de pénibles malentendus, pour vous faire comprendre d'un mot l'importance que j'attache à votre désistement, il vaut mieux que je vous dise. Oui, ce que je vous demande, je vais l'acheter en vous donnant cette preuve suprême de mon estime, de ma confiance, que je vous dise toute la vérité. Vous ne pouvez plus penser à moi comme vous pensiez. J'appartiens à celui que j'aime. Vous dites ? Achevez, que veulent dire ces mots ? Tout ce qu'ils signifient. Je vous étonne ? Souvenez-vous, réfléchissez, vous l'avez dit. Il est pauvre, malheureux. Il n'a rien. Il n'est à lui qu'une grande idée, une chère espérance. Vous les lui avez prises, vous qui possédez tout. Il faut bien qu'un homme ait quelque chose pour supporter la vie. Que pouvais-je lui donner? Si misérable moi-même, je lui ai donné tout ce que j'avais, mon pauvre ami. N'est-ce pas juste? Mon Dieu, est-ce possible? S'écria Robinson avec un sursaut douloureux de tout le corps. C'est étrange qu'une femme vous avoue ces choses, mais nous sommes ici à 7 minutes. En dehors des conventions mondaines, moi surtout qui me sens déjà hors du monde, qui ne serai plus ce soir qu'une créature méprisée, honnie par tous, si vous rejetez ma demande. Ma ruine, ma misère, vous sont assez connues. Je n'ai donc pas besoin de vous expliquer ce que seront désormais ma situation matérielle, ma condition sociale, après le pas que je vais faire. Mais comprenez ceci, je vais devenir un humiliant fardeau pour l'homme que j'aime. Il a la générosité de s'en charger. Eh bien moi, je voudrais du moins lui rendre, en retour du sacrifice qu'il me fait. Les seuls biens qu'il eut au monde, ses grands espoirs, son trésor de gloire future. Le sort a mis ses biens en votre pouvoir. Vous les lui enlevez. Je vous les redemande pour les lui donner. Si vous me faites ce présent, et vous le ferez, Archibald, je reviendrai tout à l'heure à votre bord avec joie. Vous m'emmènerez en compagnie de mes amis, respectés encore, sauvés des pires déchéances, n'ayant confié qu'à vous mon secret. Courageuse et résignée, j'attendrai le moment où Tournoel pourra venir chercher, à la face de tous, une femme qu'on ne jugera pas indigne de partager sa glorieuse destinée. Mais si vous ne me mettez pas en mesure de lui assurer cette destinée, s'il vous plaît mieux de la détruire, je ne le laisserai pas ici en proie au chagrin. Vaincu, dépouillé par vous de toutes ses chances d'avenir. Je me perdrai publiquement pour le consoler, pour qu'il garde le peu qui lui reste, mon amour, ma personne. Vous le voyez, cette vie de la malheureuse Millicent dont vous vouliez être l'arbitre, vous pouvez d'un mot la briser ou la sauvegarder. Ainsi, dit-il amèrement, ce ne serait pas assez de vous céder à cet homme. Il faudrait encore lui abandonner un empire auquel j'ai les plus fortes raisons de tenir. Savez-vous seulement quelle vaste combinaison vos caprices prétendent déranger? Croyez-vous que je n'ai pas mes desseins, moi aussi, mes intérêts? Non pas ceux que vous supposez, des bénéfices de trafiquants, mais les grands intérêts de race que je sers dans le monde entier et qui m'appellent aujourd'hui dans cette Afrique où votre capitaine les combat. Je serais absurde et coupable si j'immolais à son bon plaisir ses intérêts généraux d'une race qui est la vôtre, vous l'oubliez trop. Le sang de votre père ne parle donc jamais dans vos veines? Ces hautes considérations ne sont pas à ma portée. Cependant, je devine maintenant beaucoup de choses que j'ignorais. l'amour et la souffrance donnent aux femmes l'intuition de ce que les hommes apprennent par l'étude et la réflexion. Je ne connais le pays de mon père que par les nobles voix de ses poètes. Je l'admire. S'il y a dans le monde un grand sujet d'orgueil pour tous les hommes, et une preuve positive qu'ils sont les fils d'un Dieu puissant, c'est que quelques-uns de ces hommes aient pu faire ce miracle, l'Angleterre, avec tout ce qui est sorti d'elle. Mais la force de vos nations n'est admirable qu'au service de la justice. Elles peuvent se tromper, et on peut les tromper. Vous en savez quelque chose, Archibald? Je devine quel conseiller déraisonnable vous a poussé au Soudan. Vous y achetez en travers de l'officier français. Naguère, dans vos causeries sur l'océan, vous m'aviez fait entendre qu'un seul homme avait le pouvoir de peser sur vos déterminations. C'est Hiram Jarvis, dont vous parliez avec tant d'enthousiasme. Eh bien, tout à l'heure, en wagon, on ne s'entretenait autour de moi que de la ridicule équipée de ce personnage. Ne regrettez-vous pas maintenant d'avoir pris pour guide un triple fou ? Ah ! Fit-il, ne vous pas d'appeler fou l'homme qui se laisse égarer par une femme. La gênante vérité de ce qu'avait dit Millicent eut un effet contraire à celui qu'elle attendait. L'irritation d'Archibald, un moment calmée, bouillonna de nouveau. Oui, il s'était laissé guider par un assembleur de chimères, il s'en rendait compte, il lui déplaisait de l'entendre dire, et il se sentait d'autre part presque aussi ridicule que le prophète. Comme Jarvis jouait d'une femme, comme lui, prêt aux pires folies. Il se remit en marche, sa voix redevint cassante, bientôt grondante. Je vous admire. Vous philosophez sur les nations, sur l'Angleterre, comme si nous causions tranquillement après dîner, et il y va de ma vie. N'y va-t-il pas de la mienne? Il y va d'un grand bonheur détruit aussitôt qu'entrevu, de mes plus chères et de mes plus graves préoccupations. Vous êtes libre d'agir à votre guise, mais sachez bien que je ne sacrifierai ni mes entreprises, ni les intérêts de ma race. La puissance ne m'a été donnée que pour les servir. Elle vous a été donnée pour faire du bien, cher Archibald. C'est sa justification. Vous pouvez l'employer à sauver une malheureuse femme, à rouvrir une belle vie devant un homme qui la mérite. Vous le ferez. Et vous serez satisfait de vous-même, plus que si vous aviez accaparé un nouveau continent. Au nom de tout ce que vous avez aimé, au nom de votre morte, de cette Mary Robinson qui plaiderait sûrement ma cause, accordez-moi ce que je demande pour celui que j'aime, la restitution que vous lui devez en toute justice. Oh, je n'ai pas honte de vous implorer. Écoutez l'ami qui vous supplie, les mains jointes, ne la repoussez pas. Elle était tout contre lui. Dans la supplication éperdue des gestes, des regards, l'imprudente mettait inconsciemment tout son pouvoir de charmer. La femme émue qui veut convaincre laisse agir d'instinct et sans préméditation son arme naturelle, la fascination physique. Cette fascination se dégageait de la personne de Millicent, plus provocante à cette minute de tout l'amour qui palpitait en elle pour un autre. Robinson s'abandonna aux frénésies sauvages qui montaient en lui. Il saisit les poignets délicats, il le retint tout meurtri dans son étreinte brutale. Des mots dont il ne gouvernait plus l'audace se pressèrent sur ses lèvres. « Des phrases. Vous me prenez pour un autre, ma belle amie. Je ne suis pas un héros de roman, moi, un chevalier errant comme votre petit soldat français. Je fais mes volontés, pas celles des autres. Archibald Robinson, le grand accapareur, hein, oui. Je prends mon bien où je le trouve, et je le garde. Vous êtes mon bien. Changé, volé par un autre, n'importe. Très désirable, ma foi, telle qu'il vous a faite. Je vous veux. Entendez-vous? Je vous veux mienne, à tout prix. Ah, vous réclamez un grand service. Robinson ne donne rien pour rien. Achetez, payez, pourquoi pas, puisque vous vous donnez si facilement. Vous me plaisez ainsi, embelli par ces journées d'amour, par... Elle dégagea péniblement une de ses mains, la lui jeta sur la bouche. « Taisez-vous de grâce. Pour vous, pour moi, c'est naturel, c'est le calice attendu, l'outrage qui commence. Je ne pensais pas qu'il me viendrait d'abord de vous, Archibald. » Ivre de fureur, il ne l'écoutait plus. Sa bouche collée sur cette main qui étouffait les paroles injurieuses, de plus en plus libres, cyniques. Avec une force qu'elle ne se connaissait pas, Millicent le repoussa, recula jusqu'à l'entrée du salon. Sur le seuil, elle s'arrêta un instant, très pâle, toujours calme. « Adieu, je m'en vais. Pour vous épargner des mots, des actes, peut-être, dont vous auriez éternellement honte. Je m'étais trompé sur votre cœur. Vous pouviez me sauver. Vous préférez me perdre. Vous êtes le maître. Je me perdrai dans mon amour. Votre conscience vous dira qui est le plus méprisable de vous ou de moi. Si vous vous ravisez, si vous avez quelque chose à me faire dire, on me trouvera jusqu'au soir de ce jour à l'hôtel Abbate, prêt à revenir chez vous, à repartir avec vous, sans crainte, sans rancune, aux conditions que j'ai dites. Si vous persistez dans votre brutale cruauté, vous ne me reverrez plus. Chacun des malheurs qui m'attendent vous sera un remords. Adieu. » Elle gravit les marches, disparut. Il demeura sur place, hébété, livide, le souffle court et bruyant. Après quelques instants de perte de lui-même dans cette stupeur, il s'élança dans l'escalier, courut sur le pont, au bordage. Madame Fianona était déjà dans sa barque, le batelier démarrait. Robinson suivit des yeux l'embarcation, bientôt masquée par la carène d'un gros navire. À pas lents, le corps affaissé, il revint vers le salon. Devant la claire-voie, Moucheron l'arrêta au passage. Assis sur le coffre, Émile achevait la lecture de ses journaux. « Vous avez lu la triste nouvelle, monsieur ?»« Quoi ?» fit distraitement Archibald. « Ce pauvre diable de Charançon qui s'est tué. »« Charançon ? Qui cela, Charançon ?»« Vous ne vous rappelez pas ? L'homme des câbles électriques avec lequel vous avez rompu un contrat pour cette grosse commande. »« Je viens de le retrouver au fait divers. » Son usine a été déclarée en faillite. Il s'est logé une balle dans la tête. Il laisse une femme et plusieurs enfants à la rue. « Un imbécile, un faible, » murmura Robinson, et il passa outre. D'ordinaire, ces petits accidents de la grande bataille industrielle le laissaient parfaitement insensible. Cette fois, troublée comme elle venait de l'être, sa pensée s'arrêta sur une image lugubre. Au moment de s'engager dans l'escalier, son pied hésita. Il lui semblait qu'un cadavre barrait l'entrée. Il passa dans sa chambre. La vieille Bible du Mayflower était en évidence sur le petit bureau. « Voici mon bouclier, » pensa-t-il. Et avec l'habitude invétérée qu'il avait de mêler ce livre à sa vie, Archibald l'ouvrit. Ses doigts qui feuilletaient les pages s'y alourdissaient, malgré lui, sur celles qu'il ne voulait pas lire, sur ce passage du livre des Chroniques. Naboth de Jézraël avait à lui une vigne près du palais d'Akab, roi de Samarie, et Akab lui dit « Donnez-moi votre vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, parce qu'elle est proche de ma maison. » Il referma le livre importun, quitta la chambre, rentra dans le salon. Là, il s'écroula sur le fauteuil à la place où était l'instant d'avant Millicent. Immobile, la tête dans les mains, il s'y oublia. Et celui qui eût osé le déranger, ce à quoi ne se fût risqué aucun des serviteurs qui venaient de l'observer, aurait vu cette chose invraisemblable, deux larmes qui tremblaient au fond des yeux caves d'Archibald Robinson. Au-dessus de sa tête, des bruits auxquels il ne prenait pas garde augmentèrent. Les invités, les visiteurs arrivaient, montaient à bord du Neptune. Il fut enfin tiré de sa torpeur par le frôlement d'une robe et la sensation d'une main qui se posait sur son épaule. Madame de Lovrain était près de lui, le dévisageait attentivement. « Seriez-vous indisposé, Archibald ?»« Oui, je sais, Madame Fianona est venue. Que vous a-t-elle dit ?»« Des folies !»« Ne repartira-t-elle pas avec nous ?»« Peut-être. »« À la condition que je me sacrifie, moi et mes entreprises, pour le bon plaisir de son mari, puisque ce monsieur va l'être. »« J'ignore ce qu'a pu vous demander Millicent, mon ami. » « Mais quoi que ce soit, je sais que vous devez le faire. Elle est très à plaindre. »« Et moi donc ?»« Je devine. Je vous plains aussi. Mais vous êtes fort. Elle est faible. Vous avez tout. Elle n'a rien. Il faut nous aimer comme nous voulons être aimés. »« Je ne suis pas un héros de roman. Je le lui ai dit. »« Vous devez être plus et mieux. Un digne fils de notre Amérique. » Peg avisa le World ouvert sur la table. « Archibald, vous avez peut-être surpris, comme moi, certains sourires des gens de France, si fiers de leur long passé, de toute leur gloire. ils ne se privent pas de plaisanter sur ce qu'ils appellent notre Gotha. Ils nous croient incapables, nous si jeunes, de fonder autre chose qu'une noblesse d'argent. Ne perdons pas une occasion de prouver à ce vieux monde qu'il y a chez nous de l'étoffe pour la plus haute noblesse, celle du cœur. La fortune a fait de vous un des chefs réels de notre peuple. Témoignez pour lui, montrez où est notre vraie force. Pas dans les dollars, dans l'âme. Montrez-leur à tous qu'un fils de notre race est maître du monde parce qu'il l'est de lui-même. Allez retrouver cette pauvre femme, faites tout ce qu'elle désire et plus. Cela vous est difficile, je le conçois. Tant mieux, vous donnerez une plus grande idée de ce que nous valons. Ne perdez pas de temps, ce n'est guère votre habitude. Venez, cher Archibald. » Elle le prit par la main, l'emmena vers la porte, dans l'escalier. Il se laissa faire comme un enfant sans volonté. Sur le pont, il salua vaguement quelques-uns de ses invités, murmura quelques excuses. Peg vint à son secours. « Monsieur Robinson est rappelé à terre, un instant, pour une affaire en retard. Il me charge de vous faire en son absence les honneurs du Neptune. Nous allons luncher et boire à la santé de nos amis qui restent dans cette belle Égypte. Revenez vite nous rejoindre, Archibald. » Affalé sur le bordage, il laissait dire, ne bougeait pas. Soudain, on le vit se redresser, avec ce déclenchement sec et prompt de tous les muscles dont il était coutumier, quand il venait de conclure une grosse affaire. Il commanda. « Un canot à la mer, rondement, les hommes !» À l'intonation de ce commandement, les matelots comprirent que le maître n'était d'humeur ni à flâner, ni à laisser flâner. En quelques minutes, le canot fut armé. Robinson s'y jeta. « Nagez, les garçons, et dur, à terre !»